avec amour. Dépose un peu tes problèmes tour à tour. Tu en feras beaucoup mieux le tour. Quelqu'un a dit, on est ce qu'on pense. Moi je ne pense qu'à la prochaine danse. Une personne qui voudrait danser comme toi, qui insiste comme ça, doit connaître quelque part, car il a tout tenté pour changer. Tout le temps tout tenté pour évoluer. Tout tenté pour changer. Tout le temps tout tenté. Beaucoup de gens pensent que la tentation est toujours une question contre la création. Une personne qui doit sauver sa vie ne doit-elle pas tout faire pour trouver ses appuis? Quelqu'un a dit, on est ce qu'on a dans la tête. Moi je ne pense qu'à faire la fête. Si tu veux danser avec moi, insister comme ça, tu dois connaître quelque part, car il a tout tenté pour changer. Tout le temps tout tenté. Tout tenter pour changer. Tout en tout tenter pour évoluer. Tout le temps, yeah, tout le temps.